enfant, tu te bats comme des moulins à vent. Tu ne vis que pour elle, cette passion qui t'entraîne, elle qui t'ensorcelle, mais qui t'empêche de dire je t'aime.